pas là pour vous faire peur. Mais savez-vous ce que les statistiques nous disent? D'ici 25 ans, il n'y aura plus de jeunes. Et oui, des jeunes pour vous soigner. Vous dorlotez, vous cajolez, vous lavez. Il n'y aura plus de pitons, plus de médecins, plus de policiers pour vous protéger des dangers de la jungle vilaine. Avez-vous songé à une bonne assurance? Une assurance qui mettrait du bonheur dans vos vies et de la sécurité en votre corps. Ils prendront peut-être tous vos sous, mais aucun représentant n'ira chez vous. Une assurance contre la malchance, contre les récessions, une assurance contre l'urticaire, une assurance contre les mauvaises nouvelles dans les journaux, une assurance contre les varices, une assurance contre les choléras, une assurance contre l'ennui. Nous prendrons peut-être tous vos sous, mais aucun représentant n'ira chez vous. Nous prendrons peut-être tous vos sous, mais aucun représentant n'ira chez vous. Si vous êtes âgé de 60 à 100 ans, vous serez peut-être accepté sans qu'on ait à vous disséquer. Des frais d'interrogatoire peuvent s'appliquer. Et oui, on peut gaspiller, on peut se faire couler, on peut se faire arnaquer, et aucun examen médical ne sera requis. Tous vos sous, mais aucun représentant n'ira chez vous. Ils prendront peut-être tous vos sous, mais aucun représentant n'ira chez vous. Ils prendront peut-être tous vos sous.